extend on the track. Yeah, c'est extend on the track again. J'en fais une autre. Bah oui, c'est le temps. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va sûrement être bon. Ça pourrait quoi? Ça pourrait donner. Je sais pas, ça pourrait donner quoi? Qu'est-ce que t'en dis, bro? Je pense que tu es d'accord avec moi. Long qui vibre, mauve sur moi, regard vite. Le portrait fidèle de tout ce que je veux pas voir. Le kick me tape au plexus, le piano est rouge vif. Je flex dans ma tête, sans aucun objectif. C'est le poids des ondes, le silence en overdrive. C'est ma vérité qui cherche le moyen de rester alive. Pas besoin de crier pour que ça fasse mal. Mon âme est un échantillon digital. Je lâche les contrôles, je laisse le beat glisser dans ce vide-là. Je m'autorise à exister. C'est le poids des ondes, le silence en overdrive. C'est ma vérité qui cherche le moyen de rester alive. Pas besoin de crier pour que ça fasse mal. Mon âme est un échantillon digital. Je lâche les contrôles, je laisse le beat glisser dans ce vide-là. Je m'autorise à exister. Toutes les pistes s'empilent, mais il manque une couleur. Celle de ma propre voix, celle qui porte ma douleur. Je règle les filtres, je coupe les hautes fréquences pour étouffer les doutes qui tremblent ma conscience. C'est le poids des ondes, le silence en overdrive. C'est ma vérité qui cherche le moyen de rester alive. Pas besoin de crier pour que ça fasse mal. Mon âme est un échantillon digital. Je lâche les contrôles, je laisse le beat glisser dans ce vide-là. Je m'autorise à exister. C'est le poids des ondes, le silence en overdrive. C'est ma vérité qui cherche le moyen de rester alive. Pas besoin de crier pour que ça fasse mal. Mon âme est un échantillon digital. Je lâche les contrôles, je laisse le beat glisser dans ce vide-là. Je m'autorise à exister. Ma console est un sanctuaire, un refuge, un bouclier où j'apprends tranquillement à ne plus m'oublier. J'ai bâti un empire de son et de texture, mais ma gorge reste nouée. Pis j'ai peur de faire dur. C'est le poids des ondes, le silence en overdrive. C'est ma vérité qui cherche le moyen de rester alive. Pas besoin de crier pour que ça fasse mal. Mon âme est un échantillon digital. Je lâche les contrôles, je laisse le beat glisser dans ce vide-là. Je m'autorise à exister. C'est le poids des ondes, le silence en overdrive. C'est ma vérité qui cherche le moyen de rester alive. Pas besoin de crier pour que ça fasse mal. Mon âme est un échantillon digital. Je lâche les contrôles, je laisse le beat glisser dans ce vide-là. Je m'autorise à exister. Une boucle qui tourne sans fin, sans issue, comme un secret de nuit qu'on a jamais su. Si je pouvais juste pousser ce bouton-là pour que ma peur devienne un éclat. Je m'autorise à exister. Juste une onde de plus dans le noir. C'est extend on the track. Yeah. Backpack. Let's go, outro. Damn.